إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers frères et sœurs, nous continuons la lecture de l'épître intitulée « Notre devoir vis-à-vis des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala » écrite par l'imam Muhammad ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Nous avons vu que l'auteur rahimahullahu ta'ala nous a cité dans cette courte épître les sept choses qui nous incombent vis-à-vis de tout ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a adressé, que ce soit dans son noble livre le Coran ou alors dans la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons vu dans les assises précédentes que la première chose qui nous incombe est de savoir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné. Et ceci a lieu par l'apprentissage de la science religieuse. Car tu ne pourras pas te soumettre à une chose que tu ignores. C'est pour cela que la première des obligations vis-à-vis des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala est de les apprendre. Deuxièmement, l'auteur rahimahullahu ta'ala nous a exposé une preuve évidente de l'obligation d'aimer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Car il fait partie des annulatifs de l'islam d'avoir de la répulsion pour une chose quelconque de la religion. Et cet amour, s'il est véridique, il va te pousser à œuvrer. Car celui qui aime, il va obéir à l'être aimé. Et on a mentionné la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous démontrant que le signe de l'amour véridique de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala est le suivi de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, ce que tu as su et ce que tu as aimé, il t'incombe d'avoir la volonté de le mettre en pratique, que tu te sentes concerné, que tu comprennes que ces ordres te sont adressés et qu'il est de ton devoir de t'y soumettre. Quatrièmement, tu mets en pratique cet ordre, car c'est cela l'objectif de la science, sa mise en pratique. Et si tu la mets en pratique, alors elle sera un argument en ta faveur auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullahu ta'ala, va nous exposer le cinquième point, afin de nous montrer comment cela doit être mis en pratique. Car ce que tu as appris, ce que tu as aimé, ce dont tu as eu la volonté, tu ne dois pas le mettre en pratique comme bon te semble. Car l'objectif est que cette œuvre soit acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour ce faire, tu dois impérativement respecter deux conditions. C'est pour cela qu'il a dit, rahimahullah, al-martabatul khamisa, anna kathiran mimman amil, la yaqa'u khalisan, fa in waqa'a khalisan, lam yaqa'a sawaban. Le cinquième degré, ou la cinquième chose à savoir parmi ce qui t'incombe, vis-à-vis des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que beaucoup de ceux qui œuvrent n'œuvrent pas sincèrement. C'est-à-dire qu'ils n'œuvrent pas sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'ils œuvrent sincèrement, leurs œuvres ne sont pas conformes à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc aucune œuvre ne peut être acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'est celle qui est sincère et celle qui est conforme. Comme cela est rapporté d'Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullahu ta'ala, qui a dit au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 2 de Surat Al-Mulk, « Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. » Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver, afin de vous mettre à l'épreuve, afin de vous tester, et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Il n'a pas dit qui de vous fait le plus d'œuvres, qui de vous accomplit les œuvres les plus nombreuses, non. Qui de vous est le meilleur en œuvre? Al-Fudayl, rahimahullahu ta'ala, il a dit au sujet de ce verset, « La meilleure œuvre, c'est la plus sincère et la plus conforme. » On lui dit alors, « Quelle est l'œuvre la plus sincère et la plus conforme? Il répondit, rahimahullah, l'œuvre, si elle est sincère, mais qu'elle n'est pas conforme, elle n'est pas acceptée. Et si elle est conforme, mais qu'elle n'est pas sincère, elle n'est pas acceptée. Jusqu'à ce qu'elle soit sincère et conforme. Et celle qui est sincère, c'est celle qui est pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et celle qui est conforme, est celle qui est sur la sunnah. Ceci sont donc les deux conditions que tu dois impérativement respecter dans l'ensemble de tes œuvres. Qu'elles soient sincères et conformes. Sincères pour Allah, subhanahu wa ta'ala, et conformes à la sunnah du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Si tu accomplis une œuvre, quelle qu'elle soit, mais que tu n'es pas sincère pour Allah, subhanahu wa ta'ala, que tu as d'autres intentions derrière cette œuvre, que tu fais cette œuvre par ostentation, par recherche des compliments des gens, par recherche de leurs éloges, par recherche de la notoriété, ou autre, parmi les mauvaises intentions, alors tu n'as pas été sincère dans cette œuvre. Par conséquent, cette œuvre ne peut être acceptée, même si tu t'es conformé dans celle-ci à la législation du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Supposons qu'un homme prie de la même manière que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il s'applique dans chacun des gestes et des paroles qu'il fait dans cette prière, après avoir appris cela et s'être instruit, mais qu'il fasse cette prière de cette manière, afin que l'on dise de lui que c'est un bon prière, qu'il s'applique dans sa prière. Alors celui-ci, sa prière est rejetée. Elle n'est pas acceptée, car il n'a pas été sincère. Il est certes rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, c'est un hadith qudsi, je suis celui qui se passe le plus d'associés. Quiconque met en pratique une œuvre dans laquelle il m'associe autre que moi, je le délaisse lui et son polythéisme, lui et son shirk. Allah n'accepte pas cette œuvre, car elle n'est pas sincère. Et de la même manière, si le serviteur est sincère, qu'il œuvre vraiment pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il ne recherche aucun compliment, ni éloge, ni aucune chose parmi les biens vils de ce bas monde, mais seulement par espoir de se rapprocher d'Allah, d'obtenir sa récompense, d'obtenir son paradis, mais qu'il fait une œuvre qui n'est pas légiférée, une œuvre innovée, une œuvre qui n'a pas été légiférée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi sincère soit-il, à partir du moment où il ne s'est pas conformé à la sunna, son œuvre est rejetée. Et ce car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique rapporté par l'imam muslim rahimahullah ta'ala, d'après Aïcha, radiyallahu anha, celui qui accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, celle-ci sera rejetée. Elle n'est pas rejetée car il n'a pas été sincère. Il se peut qu'il soit sincère, mais il n'a pas emprunté le bon chemin pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors aussi sincère soit-il et aussi nombreux soient ses efforts, cette œuvre qui est innovée est rejetée et elle ne peut être acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comprenez bien, mes frères et sœurs, que l'objectif, comme on a dit, ce n'est pas simplement d'apprendre la science. Mais cette science, il est nécessaire que nous la mettions en pratique. Et l'objectif n'est pas seulement de mettre en pratique et d'œuvrer. Mais ces œuvres que tu accomplis, tu dois veiller en priorité à ce qu'elles soient sincères pour Allah subhanahu wa ta'ala et conformes à la sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car si tu n'es pas sincère, ton œuvre ne sera pas acceptée. Et si tu es sincère, mais que tu ne te conformes pas à la législation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors de la même manière, ton œuvre sera rejetée. Donc si tu souhaites voir ton œuvre acceptée, tu te dois d'être sincère pour Allah et te conformer à la sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « Al-martabatu s-sadisa, anna s-salihin, yakhafuna min hubouti l'amal. » Subhanallah. Le sixième degré ou la sixième chose que tu dois savoir parmi ce qui t'incombe vis-à-vis des ordres d'Allah, c'est que les vertueux, ils ont peur de voir leurs œuvres annulées. Allahu Akbar. Ils œuvrent, Ils font de grands efforts dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nuit et jour, ils cherchent à se rapprocher de leur Seigneur. Par espoir en sa récompense et par peur de son châtiment, ils veillent à se conformer à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré ça, ils ont peur que leurs œuvres soient rejetées. Leurs cœurs frémissent lorsqu'ils se rappellent qu'ils reviendront à leur Seigneur. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 60 de surat Al-Mu'minun, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Ceux qui donnent ce qu'ils donnent, c'est-à-dire ceux qui font ce qu'ils font comme action, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Aïcha radiallahu anha a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de ce verset. Et elle lui a dit, « Ô messager d'Allah, est-ce que cela concerne celui qui a commis la fornication, qui a commis le vol ou qui a consommé le vin ?» Il lui a dit, « Non, fille de Siddiq, le véridique, car Aïcha était la fille de Abu Bakr al-Siddiq, Abu Bakr le véridique. Mais ceci concerne plutôt l'homme qui jeûne, qui donne des aumônes, qui prie, mais qui a peur que ceci ne soit pas accepté de lui. Il accomplit toutes ses œuvres, mais son cœur est rempli de crainte à l'idée que son œuvre puisse être rejetée. Car il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le dit dans son noble livre, il n'accepte que des vertueux. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah n'accepte que des pieux, ceux qui font preuve de piété et de vertu dans cette œuvre, qui sont sincères pour Allah, qui se conforment à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré cela, ils ont peur que leurs œuvres soient rejetées ou alors qu'elles soient vaines. Et tel est le comportement des vertueux. Contrairement à l'hypocrite qui se sent à l'abri, qui ne se soucie pas de cela. C'est pour cela qu'Al-Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala a dit, le croyant, il a réuni entre la bienfaisance et la crainte. Il est bienfaisant dans ses œuvres, mais il craint qu'elles ne soient pas acceptées. Et l'hypocrite, il a réuni entre la malfaisance et la sécurité. Ses œuvres sont mauvaises, mais il se sent à l'abri. Donc l'auteur rahimahullah ta'ala attire notre attention ici sur ce point d'une grande importance, qui est de savoir qu'une fois que tu as œuvré, tu dois avoir ce sentiment en toi, la crainte que cette œuvre ne soit pas acceptée. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a mentionné une preuve de cela, qui est une partie du verset 2 de Surat al-Hujurat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. » Sinon vos œuvres deviendraient vaines sans même que vous vous en rendiez compte. Sans même que vous vous en rendiez compte. Et le cheikh de nous dire, وَهَادَ مِنْ أَقَلِّ الْأَشْيَا فِي زَمَانِنَا. Et ceci fait partie des choses les moins courantes à notre époque. Et que dire de notre époque aujourd'hui, où les gens sont plongés dans l'insouciance. Une époque où celui qui accomplit le minimum de ses obligations se sent à l'abri et pense avoir gagné le paradis. Une époque où beaucoup de gens sont plongés dans les péchés du matin au soir, dans l'insouciance et dans la distraction, et ont oublié qu'ils vont bientôt revenir à leur Seigneur et qu'ils auront des comptes à rendre concernant leurs œuvres, et qu'ils seront jugés, que leurs œuvres seront pesées, et qu'il se peut que nombre d'entre elles soient rejetées, wal'iyadu billah. Qui parmi nous pense à cela? Qui parmi nous, lorsqu'il prie, pense que cette prière ne sera peut-être pas acceptée? Si on pensait réellement à cela, alors on s'appliquerait dans cette prière. Si cette crainte de voir cette prière rejetée était présente dans nos cœurs, on veillerait à accomplir cette prière de la meilleure manière. Mais malheureusement, les cœurs ont été noircis par les péchés, plongés dans l'insouciance, endurcis par l'oubli de la mort et par l'amour de ce bas monde. Et on œuvre et on pense que le paradis est gagné, sans savoir que ces œuvres ne sont peut-être même pas acceptées. Les compagnons, radiyallahu anhum, ils avaient peur de cela. Ils pensaient fréquemment à cela. Ils savaient que, au jour de la résurrection, des gens viendront et verront leurs œuvres réduites en poussière. Donc le musulman, il doit prendre garde à l'insouciance et ne pas penser que le simple fait d'avoir œuvré lui garantit que cette œuvre soit acceptée. Donc nous devons faire des efforts pour purifier nos œuvres, comme on l'a vu dans le point précédent, qu'elles soient sincères pour Allah et conformes à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car la chose la plus grave qui annule les œuvres et qui les rend vaines, c'est le shirk. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, « Lain ashrakta, la yahbatanna amaluk, wa la takunanna min al khasirin. » Si tu fais du shirk, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu seras du nombre des perdants. Tu dois donc prendre garde au shirk majeur ou mineur. Et entre dans cela le fait de prendre garde à l'ostentation. Rappelez-vous de ce hadith que l'on a vu dans des cours précédents, au sujet de ces trois hommes qui seront jugés au jour de la résurrection. Les premiers à être appelés pour être jugés seront un homme qui a mémorisé le Coran, un autre qui a combattu sur le sentier d'Allah, et un autre qui avait beaucoup d'argent. Allah subhanahu wa ta'ala dira alors au lecteur, « Ne t'ai-je pas enseigné ce que j'ai révélé à mon messager ?» c'est-à-dire le Coran, il dira « Messie au Seigneur ». Il lui sera alors dit « Et qu'as-tu œuvré avec ce qui t'a été enseigné ?» Il dira alors « Je me levais durant la nuit et le jour », c'est-à-dire je priais avec ce Coran nuit et jour. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui dira « Tu as menti ». Et les anges lui diront « Tu as menti ». Puis Allah subhanahu wa ta'ala lui dira « Tu as plutôt voulu qu'on dise « Un tel est un lecteur ». Et ceci a été dit, c'est-à-dire il a obtenu sa récompense. Il cherchait à ce que l'on dise que c'est un lecteur, ceci a été dit, il a été récompensé pour son œuvre. On fera ensuite venir celui qui avait beaucoup d'argent. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, « Ne t'ai-je pas fait largesse au point que tu n'aies besoin de personne ?» Il dira, « Bien sûr que si, ô mon Seigneur. » Alors il lui dira, « Et qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné ?» Il dira, « Je maintenais les liens de parenté et je faisais des aumônes. » Allah subhanahu wa ta'ala lui dira alors « Tu as menti. » Et les anges lui diront « Tu as menti. » Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira « Tu as plutôt voulu que l'on dise un tel est généreux. » Et ceci a été dit. Ta récompense t'a été accordée. On viendra ensuite avec celui qui a été tué sur le sentier d'Allah. Allah lui dira « Pourquoi as-tu été tué ?» Il répondra « On m'a ordonné la lutte sur ton sentier. J'ai alors combattu jusqu'à me faire tuer. » Allah lui dira, « Tu as menti. Tu mens. » Et les anges lui diront, « Tu mens. » Puis Allah lui dira, « Tu as plutôt voulu qu'on dise, un tel est courageux. » Et ceci a été dit. Après avoir raconté cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a frappé sur ses genoux. Puis il a dit, « Oh, Aba Huraira, ces trois personnes sont les premières créatures d'Allah qui seront jetées en enfer au jour de la résurrection. » Les trois premiers à être jetés en enfer. On demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous préserver. Donc vous voyez ici l'importance de purifier nos intentions et de ne pas penser qu'il suffit de vrai. Mais tes œuvres, elles doivent impérativement être sincères pour Allah, conformes à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et tu dois veiller à cela et craindre que tes œuvres soient vaines. Également parmi les choses qui peuvent annuler les œuvres, il y a la vanité, le fait de se sentir supérieur aux autres ou se vanter en raison de ses œuvres. Que tu penses que tu as quelque chose de plus par rapport aux autres. Et certaines personnes accomplissent des bonnes actions et en sont si fiers qu'ils pensent avoir accompli quelque chose d'immense. Et ils pensent en raison de ses œuvres mériter les éloges, les compliments et les remerciements. Et il se peut qu'ils en viennent ensuite à se faire leurrer au point de faire grâce de leurs œuvres à Allah subhanahu wa ta'ala, comme s'ils avaient un mérite, oubliant leurs manquements et leurs nombreux défauts, et oubliant qu'ils n'ont pu accomplir cette œuvre que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, étaient tout l'opposé de cela. Malgré les nombreuses œuvres qu'ils accomplissaient, ils n'étaient pas pris de vanité. Mais ils avaient peur pour eux-mêmes. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, celui qui a reçu l'annonce du paradis de son vivant, il avait peur de faire partie des hypocrites. Abdullah ibn Abi Mulaika, rahimahullah, a dit dans ce récit bien connu, « J'ai rencontré 30 hommes parmi les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient tous peur de l'hypocrisie pour leur propre personne. » On rapporte de Aïcha radiallahu anha que lors de la maladie de sa mort, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma demanda l'autorisation de lui rendre visite. Une fois que l'autorisation lui fut donnée, il adressa alors de belles paroles à Aïcha, lui rappelant ses mérites et le rang qu'elle occupait auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui dit « Réjouis-toi, il n'y a plus qu'entre toi et la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de nos bien-aimés que la sortie de ton âme de ton corps. » Il lui dit de se réjouir. Il est persuadé qu'elle fait partie des gens du paradis et que, après sa mort, elle va rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons qui les ont précédés dans la mort. Puis il lui dit « Tu étais parmi les femmes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celle qu'il aimait le plus. » Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'aimait que ce qui est bon. Puis il lui rappela certains de ses mérites. Que répondit Aïcha radiallahu anha à l'écoute de cela? Beaucoup de personnes, lorsqu'on fait leurs éloges, ils sont pris de vanité. Et ils acquiescent. Mais Aïcha radiallahu anha, cette femme vertueuse, au cœur rempli de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de la peur de la rencontre de son Seigneur, elle lui dit, éloigne-toi de moi, Ibn Abbas. Par celui qui détient mon âme en sa main, j'aurais aimé être oublié. J'aurais aimé être oublié, alors qu'elle savait pertinemment qu'elle faisait partie des femmes du paradis. Malgré cela, elle prononce cette parole, et ceci nous montre l'humilité de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. On rapporte de l'imam Ahmed, rahimahullah, qu'un jour, il entra au souq, il entra au marché, avec ses affaires, en les portant. Lorsque les gens le virent, ils se sont empressés vers lui, chacun voulant l'aider à porter ses affaires. Lorsqu'il vit cela, rahimahullah, il se mit à pleurer, et son visage rougit. Puis il dit, rahimahullah, nous ne sommes que des pauvres personnes. Si ce n'était le voile d'Allah, nous aurions été humiliés. Si ce n'était le voile d'Allah, nous aurions été humiliés. Et c'est ainsi qu'étaient nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Il faisait preuve de modestie et non pas de vantardise. Et celui qui est éprouvé par la vantardise, il doit impérativement se soigner et sans cesse se rappeler que chaque œuvre qu'il accomplit, ce n'est qu'une grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordée. Et si Allah subhanahu wa ta'ala ne l'avait pas guidé à cette religion, au suivi de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis à l'accomplissement des œuvres pieuses, alors il n'aurait pu les accomplir. Ceci n'est qu'une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il vous a fait aimer la foi et l'a enjolivée dans vos cœurs. Donc si tu sais cela, comment peux-tu être pris de vanité? Comment peux-tu te sentir supérieur pour quelques œuvres que tu aurais accomplies? Tu dois être conscient de ta valeur. Et également te rappeler que l'œuvre en elle-même n'est pas suffisante, mais ce qui est nécessaire, c'est d'être constant sur celle-ci, comme on le verra dans le prochain point, incha'Allah ta'ala. Enfin, pour finir avec ce point, concernant les choses qui peuvent être une cause rendant les œuvres du serviteur vaines, il y a le fait de se laisser aller dans les péchés lorsque tu te retrouves seul. Thawban radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je sais que des gens de ma communauté viendront au jour de la résurrection avec des hasanats, des bonnes actions, semblable à des montagnes, et Allah subhanahu wa ta'ala les réduira en poussière éparpillée. » Thawban radiallahu anhu dit alors, « Ô messager d'Allah, décris-les-nous, afin que nous ne fassions pas partie d'eux sans le savoir. » Il s'interroge, il a peur de faire partie de ces gens-là. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, « Ils sont vos frères, ils sont de votre peau, ils prient la nuit comme vous priez. » Mais ce sont des gens qui, lorsqu'ils se retrouvent seuls, face aux interdits d'Allah, ils les transgressent. Allahu Akbar. Lorsqu'il se retrouve seul, il n'a plus de limites. Devant les gens, il fait attention. Mais une fois qu'il est seul, il méprise le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Et il n'hésite pas à transgresser les interdits. Certains des prédécesseurs ont dit, prends garde à ne pas être l'ennemi du diable en public, alors que tu es son ami en secret. Prends garde à cela, car ceci pourrait être une cause rendant tes œuvres vaines ou al-iyadu billah. Enfin, parmi les choses pouvant être une cause faisant perdre aux serviteurs ses hasanats, il y a l'injustice. Le fait d'être injuste envers les gens, de les léser par les paroles ou par les actes, car toute injustice sera réparée au jour de la résurrection. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, « Celui qui a été injuste envers son frère, que ce soit sur son honneur ou autre, qu'il répare les torts causés aujourd'hui, avant qu'il n'y ait plus de dinars ni de dirham, qu'il n'y ait plus d'argent pour régler les comptes. Car à ce moment-là, s'il a des œuvres pieuses, elles lui seront prises à hauteur de l'injustice qu'il a commise. Et s'il n'a pas de hasanat, on prendra des mauvaises actions de celui qui l'a lésé, et c'est lui qui emportera le fardeau. » Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Savez-vous qui est le mouflis ?» Le mouflis, c'est un mot qu'on emploie pour dire le plus grand perdant, celui qui a fait faillite. Alors ils ont dit, « El mouflis parmi nous, c'est celui qui n'a pas d'argent, qui ne possède rien. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, « Le mouflis de ma communauté est celui qui viendra au jour de la résurrection, avec la prière, le jeûne, la zakat. Mais il viendra alors qu'il a insulté celui-ci, qu'il a diffamé celui-là, qu'il a mangé les biens d'un autre, qu'il a fait couler le sang d'un autre, qu'il a frappé un autre. Alors on donnera au premier de ses hasanats, puis au deuxième de ses hasanats, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'ait plus de hasanats pour réparer les torts causés. Alors on prendra de leurs péchés, et c'est lui qui emportera le fardeau, puis il sera jeté en enfer. » Donc l'injustice, mes frères et sœurs, ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Si tu es injuste, que ce soit avec ta langue ou avec ta main, que tu causes du tort aux musulmans par ta langue, que tu les diffames, que tu médis, que tu calomnies, alors il se peut que lorsque tu te lèves au milieu de la nuit, tu n'aies récolté rien de la récompense de ces prières. Mais que les récompenses de ces prières reviendront à ceux que tu as lésés, au jour de la résurrection, au moment des comptes. Et nul ne sera lésé auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans son noble livre qu'au jour de la résurrection, l'homme fuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants. Il les fuira tous. Et l'imam al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, a dit dans l'explication de ce verset qu'il les fuira car il aura peur qu'il le voie et qu'il lui réclame leurs droits au sujet desquels il a été négligent dans ce bas monde. Subhanallah. Il va fuir son frère, sa mère, son père, sa compagne, ses enfants, pourquoi ? Par peur qu'il lui réclame leurs droits. En raison de sa négligence dans ce bas monde, le fait qu'il les a lésés, ils viendront à lui et réclameront la réparation des torts causés. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Donc on voit à travers cela l'importance pour le musulman de mettre en pratique cette religion. D'œuvrer sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et de ne pas se reposer sur ses œuvres. De toujours avoir cette crainte dans ton cœur que ses œuvres soient rejetées. Et de t'éloigner de tout ce qui pourrait être la cause de l'annulation de ses œuvres ou alors de ta privation, que tu sois privé de leur récompense et que leur récompense revienne à autre que toi. Il nous reste un point à voir, que je pensais voir aujourd'hui, mais on le verra, Inch'Allah ta'ala, dans le cours de demain, et il concerne notre septième devoir vis-à-vis des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui est de veiller à persévérer sur cela, à persévérer sur le bien, à persévérer sur la vérité, à persévérer sur les bonnes actions, et d'avoir peur d'une mauvaise fin. Et on verra ce point lors du cours de demain, Inch'Allah ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.